La guerre, la guerre. Valar Morghulis. Spectacle à Véguerre. 45-91, voisin du crime, tu vois ou pas? Tu vois ou pas? Ça va? Crac, 4. Ouais, ouais, ouais. Chassé de Koba, Bakanga Munoko Bazoba. Équipe outillée dans les Kova. Pareil pour braquer le convoi. Bon, maintenant où est-ce qu'on va? Toc à ta porte comme des favos ou des mandes Jéhovah. On te soulève, tu dormais dans le sofa. Relo, ça c'est nous les sauvages. Où est ma conso, où est mon breuvage? Je veux la musique de Star Wars. Pour faire voir au tuant de la devoir. L'équipe est solide et solvable. Ma chère, elle vient de se faire un gommage. Je viens pour lui causer des dommages. La faire crier comme au parleur sauvage. Et récupérer tous les hommages. Bébé, les vitres sont teintées. Tu peux dégrafer le soutif et les bas. Bah, c'est le 2 avec la 2. Et vous, c'est qui? Connais pas. Je rejoins le poteau vers le bas de 7. Putain, j'ai cogné le bras de Jess. Je crois que je viens de rouler sur peur à ce priceless. Je vais cuisiner les coeurs à tout l'été. Rider dans la cité sous l'ombre sous fée. Sous l'ombre sous fée, sous l'ombre sous fée. A la base, je n'étais venu pour aider. A la base, je n'étais venu pour aider. L'eau sale de l'eau, ça va encore tout péter. Le coeur est né comme le gamos chasse. Le corps est gagné. Juste après le RS, tu rajoutes Q3. J'ai le temps gagné comme le gamos chasse. Comment? Tout en LV, tout en Dolce, dans un gamos qui fait le poids de ma montre. Faut que je rentre dans ma valise. À 8h, j'ai mon vol pour la réunion. Et je me rappelle quand à l'ancienne, les jours du plus bas c'était la misère. À défaut d'avoir des baskets trouées, je rentrais chez maman les chaussettes mouillées. J'ai des bouts de meilleur dans le mur. Et je sais quoi d'avoir un frère en mort. Les rivières de l'âme qui a fait couler ma mère. En voyant ce gamin plongé dans la mer. Enculé, on est là depuis le début. Je suis en train d'échider des doigts. Et regarde, on a gravi les échelons. Enculé, quand c'était chaud, t'étais où? Toute l'année en fer, on n'attend pas l'été. On récupère, on commet des péchés. La musique en vrai, pas c'est comme la bouche. Faut le meilleur produit, rester assis. Tu prends ton temps, gamin, non, ne sois pas pressé. J'vais cuisiner les coeurs à tout l'été. Rider dans la cité sous l'ombre sous fée. Sous l'ombre sous fée, sous l'ombre sous fée. À la base, je n'étais venu